Ah là, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. J'espère que tu vas bien. Salut, salut. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo? J'étais un petit peu en train de m'assoupir au soleil tranquillement. On va voir dans cette nouvelle vidéo comment ne pas se faire avoir par l'agent immobilier. Donc, bienvenue. J'espère que... Assieds-toi confortablement sur ton lit, sur ton canapé. Mets-toi bien dans ta voiture tranquillement. J'arrive. On va parler de l'agent immobilier. Cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, quand on veut faire de l'investissement immobilier, bien évidemment et très très souvent, on a affaire à ce qu'on appelle les agents immobiliers. Bon, 50% des agents immobiliers sont en fait des mandataires. Donc c'est juste entre guillemets, des commerciaux qui n'ont aucun diplôme dans l'immobilier, mais qui ont juste une carte. Donc ils sont en fait qui sont portés par un agent immobilier et qui font en fait vraiment le rôle de commercial. Peu importe, ça c'était juste pour la petite histoire. Donc ces agents immobiliers, il faut bien voir que eux, leur but, ce sont des commerciaux. Donc leur but, c'est de te vendre un bien à tout prix pour toucher une commission. Et ça me rappelle une petite histoire. J'adore quand tu vas dans un magasin pour essayer des vêtements et que tu demandes à la vendeuse, très jolie, est-ce que le t-shirt ou la chemise me va? Bizarrement, elle fait un sourire, elle te dit, mais oui, ça va super bien. Et en fait, tu as une jolie fille qui te regarde avec ta chemise et qui te dit que ça va bien, tu peux que acheter. Mais là, c'est un peu pareil. Sur le principe, l'agent immobilier, il a envie de te vendre l'appartement. Donc, il ne va pas forcément te présenter tous les défauts d'un coup. Il va plutôt te présenter les avantages et te montrer que ce bien va te correspondre, va aller dans ta stratégie si tu es un investisseur ou si tu es en résidence principale, va aller par rapport à ton projet de vie, etc. Donc, juste se dire que l'agent immobilier, c'est pas forcément un menteur, en tout cas, c'est un commercial qui veut toucher sa commission. À partir de là, le plus important, dans ce que j'ai remarqué par rapport à mon expérience, c'est surtout ne pas se laisser, ne pas faire précipiter les choses à cause de l'agent immobilier. Souvent, l'agent immobilier, en fait, il va essayer de te faire accélérer ta décision. Il va voir par exemple que tu as trouvé ça, l'appartement est bien. Donc il va vouloir te demander, alors c'est quoi votre budget? Est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que c'est trop cher pour vous? Comme ça, il va pouvoir directement attaquer la négoce. Parce que lui, il ne faut pas oublier qu'il fait ça toute la journée. Alors toi, ça va être la première fois que tu vas peut-être attaquer une négociation d'un bien immobilier. Lui, il fait ça toute la journée. Il sait exactement comment voir l'acheteur, le bon acheteur. Hein. On a parlé dans une ancienne vidéo du bon vendeur. Là, on pourra avoir le bon acheteur, celui qui va pouvoir avoir parce qu'il va le faire aller vers le coup de cœur, par exemple, vers le côté émotionnel. Il y a un truc super important, c'est que normalement, un agent immobilier, s'il est bien formé, il y a dans allez, 50% des cas, il va te dire soit qu'il y a déjà eu un acheteur, mais qu'il n'a pas eu son prêt immobilier, soit qu'il y a juste la veille, il y a un acheteur qui est venu et qui doit faire une contre-visite parce qu'il a trouvé le bien très intéressant. Tu as envie de te dire, c'est magnifique, c'est au moment où tu achètes, où tu viens pour acheter, qu'il y a eu un autre acheteur la veille qui a trouvé le bien intéressant. Là, j'ai le droit environ à 50%, 70% des cas. Bon, j'avoue que des fois, je fais le malin et en fait, il est vraiment vendu dans les 2 heures. Mais d'une manière générale, tu auras le droit à cet argument. Le but, c'est juste te faire précipiter, t'amener vers l'urgence. En fait, c'est dans la psychologie de la négociation. On amène la personne en face dans l'urgence. C'est-à-dire, voilà, ça fait 6 mois que je recherche. Je trouve un bien à peu près, qui commence à être à peu près bien. Je ne peux pas le laisser passer. Donc, si l'agent immobilier me met dans l'urgence, je suis dans le corner, je suis dans le coin et je vais faire une proposition tout de suite. Et en fait, en faisant une proposition tout de suite, je vais tuer toute négociation réelle parce qu'en fait, je vais me faire avoir. Parce que je suis face à un vrai pro de la négociation et moi, je suis un débutant. Donc, attention, pour ne pas se faire avoir par un agent immobilier, il faut prendre du recul, lui dire voilà, j'ai le temps, je vais regarder, prendre le temps de refaire le tour de l'appartement, lui poser des questions. Donc, on avait vu dans une précédente vidéo, qu'il faut faire bien ses travaux pratiques, hein. Il faut aller faire ses devoirs, il faut visiter, visiter, visiter. C'est comme ça que tu vas voir en fait que les agents immobiliers ont presque tous la même façon d'argumenter, la même façon de te pousser vers l'achat. Donc c'est assez simple, tu prends du recul, tu poses quelques questions, il va comprendre assez rapidement que tu ne fais pas partie de cette population-là d'investisseurs qui vont se précipiter et que toi tu veux être un investisseur rentable, pas à la fin de ton prêt, mais rentable dès aujourd'hui. Et tu veux faire ça malgré tout avec une certaine sécurité, tu veux assurer les choses. Hein, il ne s'agit pas d'être rentable, mais en fait d'acheter un truc qui est en train de s'effondrer. Parce que du coup, tu vas être rentable juste pendant 3 mois ou 6 mois, le temps que tout s'effondre, qui était pour 20 000 euros de travaux à faire. Non, ce que j'aime bien faire avec les agents immobiliers, en fait, c'est inverser la tendance et me servir d'eux, parce qu'ils ont aussi envie d'avantager le vendeur, parce qu'eux, leur seul, ce qu'ils veulent, c'est toucher leur commission. Et très honnêtement, qu'elle soit de 10 000 euros ou de 8 000 euros, en fait, ils ont surtout envie de toucher leur commission le plus rapidement possible. Donc, si tu leur permets d'économiser 3 semaines de visite, ils sont prêts à descendre de 2 000 euros. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que très vite, je connais, de toute façon, c'est souvent marqué, donc je connais la commission de l'agence. Donc, j'ai le prix de base net vendeur. Par rapport à ça, j'entame en fait deux négociations en parallèle. La première avec le vendeur. Et quand j'ai bien fini avec le vendeur, je m'attaque à la commission de l'agent immobilier pour avoir les 2-3 000 euros à la fin, au dernier moment, rebaisser encore de 2-3 000 euros parce que je sais que l'agent immobilier, je lui ai donné le sentiment que je pouvais acheter, je lui ai montré que j'étais solvable, je lui ai montré que j'étais sérieux. Il sait qu'avec mon dossier, ça va passer sans problème. Donc il va être prêt à baisser de 1 000, 2 000 ou même 3 000 euros sa commission parce qu'il veut la toucher tout de suite et pas reperdre 2 à 3 semaines de visite immobilière avec potentiellement des investisseurs. Pas très au sérieux. En résumé, dans cette vidéo, j'ai essayé de te montrer comment ne pas se faire avoir par l'agent immobilier. Numéro 1, bien avoir conscience que c'est un commercial qui veut toucher le plus vite possible sa prime et qu'il n'est pas forcément du coup complètement objectif par rapport aux questions que tu vas lui poser. Numéro 2, il va te faire accélérer, il va te mettre dans un sentiment d'urgence et par rapport à ça, il faut arriver à prendre le recul, quitte à sortir un petit peu de la visite pendant 2-3 minutes, dire que tu as un coup de téléphone à passer pour recalmer, pour casser un petit peu l'urgence qu'il est en train de mettre en place. Et numéro 3, tu vas inverser la tendance et tu vas te servir de l'agent immobilier pour avoir une super négociation car tu vas négocier d'un côté avec le vendeur sur le bien immobilier, la partie net vendeur, et ensuite tu vas négocier la commission de l'agent immobilier parce que quand tu vas voir qu'il a pratiquement la carotte, qu'il a pratiquement gagné sa commission, il va être prêt à retirer 1 000 ou 2 000 euros parce qu'il va vouloir tout de suite sa commission. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu connais d'autres techniques qu'utilisent les agents immobiliers. Tout cela va me permettre en fait de monter dans les moteurs de recherche sur YouTube et de faire connaître au plus grand nombre que ma chaîne Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Si tu n'es pas encore abonné, ben abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu totalement gratuit. D'ici là, je te dis juste, passe à l'action, fais des visites, fais des offres, profite, kiffe. Ciao, ciao!